Chers auditeurs de Canal B sur l'antenne du 94 MHz, c'est l'asile le plus sûr comme tous les lundis à partir de 21h30. Je me suis fait surprendre par cette playlist en auto-reverse. Donc émission aussi diffusée le dimanche à partir de 23h, également écoutable et entièrement podcastable sur son blog à l'adresse asile avec un z.blogspot.com. On attaque cette semaine avec, une fois n'est pas coutume, de la musique électronique. Alors pas vraiment de la musique synthétique New Age comme c'est un peu la mode actuellement, mais plutôt une musique électro un peu post-industrielle produite par l'américain de Providence Ren Schofield alias Container, qui nous revient en ce début d'année avec un nouveau maxi après celui qu'il avait sorti sur le label de Morphosis Morphine Records l'an dernier. Celui-ci est sorti sur la subdivision du label Mute, le label légendaire de Daniel Miller Liberation Technologies. Il s'appelle Adhesive Container, qui est un projet à la Vatican Shadow, Regis et autres cutters, donc plutôt une musique électronique un peu dure sur les bords. Le monsieur avait déjà sorti quelques albums longs précédemment sur Spectrum Spool. On attaque avec le titre Glaze de Container, extrait de ce Adhesive. On a démarré le programme de Joyeuseté hebdomadaire de l'Asile avec une séquence de musique électronique qui vrillait le cerveau. Et tout d'abord, de l'ultra récent et un maxi de Container, Mr. Ron Schofield de son vrai nom. L'album c'est un maxi EP, s'intitule Adhésive. Il est sorti sur la subdivision de Mute Liberation Technologies, album plutôt en musique électronique post-industrielle qui était enchaîné avec des sons un peu plus vintage du maestro Konrad Schnitzler qui est décédé en 2011 et qui fut membre notamment du proto Tangerine Dream et du cluster des débuts à la fin des années 60, début des années 70 en Allemagne. À l'occasion de la réédition de deux disques de Florilège, en fait, de vieilles pièces des années 70. Celui qu'on entendait était extrait de l'anthologie Silver, publié par le label de Hambourg Bureau B comme l'autre compilation. Là, il s'agit de titres autour de 74-75 qui avaient été édités en vinyle only en 2009. Et à tirage assez limité sur Cubico, le label d'Emanuele Pinotti, donc des petits joyaux de musique électronique de cet extraordinaire pionnier qu'était Konrad Schnitzler, qui revoit le jour avec une version extended. Il y a trois titres bonus sur cette version CD et vinyle de Bureau B. Bureau B qui a sorti également en parallèle un autre florilège entre 76 et 78 sous le titre Gold, qui lui aussi avait été édité à tirage assez réduit quelques années en arrière. Bureau B qui a sorti quantité de rééditions de Konrad Schnitzler ces dernières années, sur lesquelles je ne peux que vous conseiller de vous ruer si vous ne connaissez pas la musique de ce monsieur, notamment la série des Roth, Blau, Kohn et autres rééditions de son projet cultissime Cluster. On va continuer avec une séquence un peu plus rock'n'roll et un autre 45 tours de Sir Thurston Moore qui est à paraître ces jours-ci sur Blank Edition dans leur solo series qui avait déjà vu s'illustrer Ted Milton de Blurt et quelques autres freaks du même acabit. Un 45 tours de titres assez sec et pas extrêmement nouveau dans le registre pour Thurston Moore, dans un style plutôt en droite ligne de ce qu'il pratique depuis le début des années 80 et ses collaborations par exemple aux côtés de Glenn Branca ou encore le Sonic Youth autour de Daydream Nation, donc un style assez nerveux et atonal. Alors apparemment le titre Detonation qui va suivre s'inspire d'une communauté libertaire à Londres où vit le guitariste américain. C'est un 45 tours avec une pochette illustrée et une carte postale, tout ça en tirage assez limité. Donc si vous intéressez à la musique de Thurston Moore, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur ce 45 tours Detonation. Clandestinity. Slow cities, walk out strikes. Strike again, quick split. Sabotage them, pick it. Present absenteeism, wreck it. Boycott, because boy, no. toy grenade. I left in June, the moon was dead. Still spinning above my head. I thought it might just keep on turning, even as hell was burning down. I wish that I could fuck up the whole world. Story. une séquence de rock, un tantinet vénéneux qui a démarré avec Thurston Moore et son 45 tours Detonation, apparaître donc ces jours-ci sur Blank Edition Solo Série. Je pense que ça va être épuisé assez rapidement, ce 45 tours de Thurston Moore, assez différent de ce qu'il peut produire actuellement avec son nouveau projet Chelsea Light Moving. On y retrouve pas mal de l'esprit de ce qu'il pouvait jouer notamment au sein de Sonic Youth, et c'était enchaîné avec Carla Bozulich et son nouvel album Boy, qui lui est à paraître début mars sur le label Constellation, avec le titre en preview Deeper Than The Well. Donc un nouveau disque pour la leaduse de The Geraldine Fibers et Evangelista, un disque qui est décrit comme son album le plus pop, mais on y retrouve à peu près tout ce qui faisait le miel des précédents, donc plutôt une pop oblique assez dérangée et des ballades un peu hantées dans lesquelles excelle cette songwriter américaine, qui est vraiment dans le droit fil de ce que peut produire New York et les États-Unis en songwriting. Elle a collaboré beaucoup aux côtés de Nels Klein, également d'ailleurs de Thurston Moore, et sur ce disque enregistré à Berlin, elle est entourée notamment de l'excellent batteur Andrea Belfi. Voilà donc Boy apparaître début mars. On continue avec un disque que je vous ai déjà proposé plusieurs fois depuis le début d'année 2014. Il s'agit du projet collaboratif Black Dirt Hawk, dans lequel on retrouve quantité de musiciens, notamment Steve Gunn, Nathan Bowles, des musiciens de Pelt, des gens aussi du No-Neck Blues Band tels que David Shefford. Ensemble, ils ont fait paraître un très bel album studio sur le label anglais MIE sous le titre Wayanda Patent. Je vous ai déjà proposé deux extraits de cet album plutôt d'orientation assez psychédélique, un peu barré, et aussi un tantinet acid folk, ce qu'on va pouvoir de nouveau apprécier avec le titre Florian's Wind Up par le Black Dirt Hawk. triplette de titres enchaînés dans la folkitude de la plus profonde, qui a démarré avec un morceau plutôt acid folk, un peu peinard, des Black Dirt Hawk, projet collaboratif et à géométrie variable, composé de pas mal de ce qui peut compter aux États-Unis dans le folk métissé et un peu psychédélique barré. L'album s'intitule Wayanda Patent. Il est sorti sur le label anglais MIE Records. Excellent album, très bigarré, donc, dont je vous ai déjà passé deux autres extraits depuis le début du mois de janvier, qui était enchaîné avec le Kunait Septechi et Orchestra Dola Dere, donc qui est du turbo folk, comme on peut dire, sorti sur le label des gens de Hawk and Hacksaw LM Duplication, un disque très très frénétique du clarinettiste turc, donc Kunait Septechi, en compagnie de cet orchestre, avec cet orchestre plutôt d'obédience tzigane, avec beaucoup de thèmes en provenance d'Albanie, de Macédoine et d'ailleurs, par donc cette tzigane turque, qui était enchaînée avec l'anthologie Mountains of Tongues, sous-titrée The Musical Dialects of the Caucasus, sortie également à la fin de l'année dernière sur ce même label, grâce au bon soin donc de Jeremy Barnes de Hawk and Hacksaw, une compilation d'ailleurs masterisée par John Dietrich de Diroof, intitulé donc Mountains of Tongues, qui était le nom qu'utilisaient les Arabes anciens pour décrire cette région, à savoir donc la région le Caucase, donc un disque de collecte de musiciens de Géorgie, de musique aussi des Kurdes de Tbilissi, des Avars et des Lesgis d'Azerbaïdjan, ou encore des Molokans du sud du Caucase. Donc un focus autour de cette région entre l'Europe et l'Asie, bordée par la mer Caspienne et la mer Noire, avec des idiomes musicaux très très peu entendus sur disque depuis l'origine de ce support, notamment les Akages Komus du Daghestan, un travail de collecte issu d'un programme de préservation donc de musique de la région, initié par l'association Sayat Nova, sont des enregistrements très très récents qui permettent par exemple de découvrir la musique, certaines musiques arméniennes, géorgiennes ou tchétchènes également, donc avec une quantité de virtuoses de la balalaïka et autres joueurs de kanoun. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le Jimi Hendrix de la balalaïka sur internet, monsieur Achig Garib, voilà, pour vous procurer cette compilation aussi, que je vous recommande pour cet hiver, Mountains of Tongues, The Musical Dialects of the Caucasus, chez LM Duplication. Voilà, on va continuer avec le retour d'un groupe de post-rock qu'on n'avait pas entendu depuis un certain nombre d'années. Il s'agit de Ulaanbaatar, le projet de Amaury Kambusa, initialement démarré à la fin des années 80, début des années 90, aux côtés de ses camarades Olivier Manchion et Franck Lantignac. Le groupe a eu son heure de gloire dans les années 90, avec un certain nombre d'albums, également des productions de Michael Girard et autres collaborations aux côtés notamment du groupe Faust, auquel le même Amaury Kambusa s'est d'ailleurs adjoint et a rejoint donc le projet à la fin des années 90, début des années 2000. Le projet était en sommeil depuis un bon paquet d'années, et quand Busa a donc décidé de revivifier le groupe avec un line-up complètement différent, et notamment un nouveau batteur, Diego Vinciarelli, et aussi une joueuse de Don de Marteneau, Nathalie Forget. L'album s'intitule « En France, en transe ». Il est sorti il y a de ça quelques mois sur le propre label d'Amaury Cambusa Acid Cobra Records. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt réussi. On écoute le titre « Take Off », extrait de ce « En France, en transe » de Oulan Bator. Thank you. un décollage en forme de montée d'acide sans retour par Oulan-Bator et ce titre Take Off, extrait de En France en Trance, publié par Acid Cobra Records et l'extraordinaire Momo Cambusa qui a bien fait de s'exiler en Italie. Apparemment le climat lui réussit fort bien, comme à son cousin d'ailleurs François Cambusa de l'Enfance Rouge. Excellent disque donc ce comeback de Oulan-Bator, pour le moins inespéré. On continue avec avec David First. David First, un Américain qui est surtout connu pour avoir participé au groupe d'avant-punk, comme on dit, The Note Killers, du côté de Philadelphie à la fin des années 70, début des années 80. Ce monsieur avait eu une carrière antérieurement du côté du free jazz, notamment en participant à des orchestres de Cecil Taylor. Ces jours-ci, le label américain spécialisé un peu dans les rééditions obscures, Days Records, fait paraître un disque de ses compositions électroniques entre 76 et 77. Donc avant qu'il rejoigne ses Note Killers, ce monsieur avait fait des classes électroniques du côté de New York en suivant les bons offices et les leçons de monsieur Milton Babbitt. Il s'était inscrit à la fameuse Columbia Princeton Electronic Music Center et avait suivi donc les enseignements notamment de Otto Luening et Vladimir Usachevski. Donc ce sont des pièces qui n'avaient jamais vu le jour de ses tout débuts. Apparemment ce monsieur continue à produire de la musique électronique un peu drone. Il a fait paraître notamment des choses sur le label XI et donc il a commencé un peu sa carrière solo avec ses compos électroacoustiques d'assez bonne facture. Electronic Works 1976-1977. Je propose d'écouter le titre Space de monsieur David First. Thank you. On a démarré cette séquence de musique électroacoustique avec les frasques sonores de David First et cette anthologie Electronic Works publiée par les bons soins du label Days Records, qui devient de plus en plus intéressant au fil des mois, très jeune label américain avec une excellente production. David First qui s'essayait au synthé analogique modulaire Don Push là sur ses pièces datées autour de 1976-1977, qui était enchaîné avec un disque que je viens tout juste de recevoir à la radio, qui m'a été adressé ces jours-ci. Il s'agit d'un disque cartonné sous le titre Aspiration au pluriel, que je découvre présentement avec vous. On le doit au bon soin de messieurs Niels Potet et Renaud Delmer, qui sont apparemment deux jeunes compositeurs électroacoustiques issus du sérail du groupe de musique vivante de Lyon-Villeurbanne. Ils ont subi ou suivi plus exactement les enseignements de Bernard Faure, et ils proposent une déclinaison de dispositifs sonores pour le moins intéressant. Il y a une pièce notamment qui est une pièce de synthèse additive à partir de générateurs de sinus injectés dans un patch de Max MSP, le morceau Cobol Sinus, qui utilise aussi donc deux vieux Cobol Expander et un Roland système, donc une sorte de mixture électronique plutôt intéressante pour le peu que j'en ai écouté. Et donc à l'instant, il s'agissait plutôt de synthèse granulaire numérique selon leurs propres termes, avec un mélange là encore de sampling, notamment d'un son de verre à vin. Voilà, donc il y a aussi un titre qui mélange épinette et piano. Je vais me ruer sur l'écoute de ce disque que je vous proposerai peut-être dans les prochaines semaines avec un nouvel extrait. Voilà, on va enchaîner avec un disque publié par l'un des labels que je vous propose assez régulièrement au fil des semaines dans l'asile le plus sûr. Il s'agit du disque de Raoul Björkenheim et son projet Ecstasy. Raoul Björkenheim, qui est un musicien d'origine finlandaise mais qui vit aux États-Unis, qui vient de faire paraître un disque donc sur Cuneiform avec son projet Ecstasy. On avait déjà pu l'entendre sur ce même label aux côtés notamment de Bill Laswell. Il a fait partie également du Scorch Trio, qui est un mélange de musiciens norvégiens et donc finnois. Le disque est vraiment très très réussi. Je propose d'écouter un extrait donc de ce projet publié en CD à la fin du mois de janvier par Cuneiform, le titre SOS. Thank you. nothing, be nothing. Hear nothing, see nothing, say nothing, be nothing. Hear nothing, see nothing, say nothing, be nothing. Thank you. There is no convenient time to break your leg. There is no convenient time to find your soul. There is no convenient time to submit to force. There is no convenient time to stop. There is no convenient time to have a child. There is no convenient time to lose your will. There is no convenient time to have a flat tire. A cage in search of a burnt nose best. A cage in search of a burnt nose best. Une séquence de jazz sucrerie pour s'acheminer vers la fin de l'émission et avec tout d'abord le finno américain Raoul Björkenheim, un sacré guitare héros qui pratique le jazz libre également, notamment au sein de son projet Ecstasy qui a sorti ce disque à la fin du mois de janvier sur Cuneiform, album plutôt réussi qui était enchaîné avec la musique des Frenchies toulousains du Tigre des Platanes, le projet de Fabien Duscombes et ses acolytes, notamment Marc Demereaux, avec lequel il collabore d'ailleurs au sein de Cannibal et Vainé. On retrouve aussi dans ce projet Mathieu Sourisseau, parfois au sous-saphone, et Pierrot Pépin qui joue tuba, trompette et autres flugelhorn. Ils ont fait paraître un certain nombre d'albums avant celui-ci, principalement plutôt dans un registre de l'ethio jazz. Cet album est assez différent, il s'intitule Disappearing. Il s'agit de reprises principalement de musiciens rock, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça leur réussit assez salement, comme ce qu'on a pu entendre qui était une reprise de Skeleton Crew de Fred Frith, repris donc par le Tigre des Platanes sur cet album ultra recommandable, sorti à la fin de l'année dernière sur leur label, hein, Monsieur Moraison, label toulousain. Voilà, je me suis rendu compte que j'ai oublié tout à l'heure, je me suis laissé emporter par mon flow et j'ai oublié de vous signaler que le disque de Niels Potet et Renaud Delmer, pardon, les deux musiciens de Villeurbanne qui ont produit donc ce disque Aspiration est distribué par Metamkin, et que vous pouvez aussi d'ailleurs écouter leur musique sur le Bandcamp Rhizophone, R-H-I-Z-O-F-O-N, et également aller sur le site Niels Potet, N-I-L-S-P-O-T-E-T.com. On repassera sans doute un extrait de leur CD dans une prochaine émission. Voilà, on va se terminer avec un disque lui aussi distribué par Metamkin. Il s'agit du retour du vétéran batave Jap Blonk, qu'on connaît surtout en tant qu'improvisateur vocaliste assez proche aussi de la poésie sonore, et ça depuis une bonne quarantaine d'années. Il revient avec plusieurs disques, il est assez productif, hein, notamment sur son propre label Contrans. Il a fait paraître le disque Polyphtong qui qui est aussi édité dans une autre version. Je crois que la version de Polyphtongue de Contran, c'est une version impro live. Et le label Elega ou Elegua Records en a produit une version plus symphonique, on pourrait dire, une version stéréo-quadriphonique qui tient plus de la composition électroacoustique, ce qui va nous faire une très très belle conclusion pour l'émission de cette semaine. Il me reste donc à conclure en vous souhaitant une très très bonne nuit et en vous disant à la semaine prochaine. Kinji.